19e chapitre, dans la maison en ruine. Après avoir mangé, nous regagnâmes la laverie, et je dus alors m'assoupir de nouveau, car m'éveillant tout à coup, je me trouvais seul. Les secousses régulières continuaient avec une persistance pénible. J'appelai plusieurs fois le vicaire à voix basse, et me dirigeai à la fin du côté de la cuisine. Il faisait encore jour, et je l'aperçus à l'autre bout de la pièce, contre la brèche triangulaire qui donnait vue sur les Martiens. Ses épaules étaient courbées, de sorte que je ne pouvais voir sa tête. J'entendais des bruits assez semblables à ceux de machines d'usine, et tout était ébranlé par les vibrations cadencées. À travers l'ouverture du mur, je pouvais voir la cime d'un arbre teinté d'or et le bleu profond du ciel crépusculaire et tranquille. Pendant une minute ou deux, je restais là, regardant le vicaire, puis j'avançais pas à pas et avec d'extrêmes précautions au milieu des débris de vaisselle qui encombraient le plancher. Je touchais la jambe du vicaire et il tressaillit si violemment qu'un fragment de la muraille se détacha et tomba au dehors avec fracas. Je lui saisis le bras, craignant qu'il ne se mît à crier, et pendant un long moment nous demeurâmes terrés là, immobiles. Puis je me retournai pour voir ce qui restait de notre rempart. Le plâtre, en se détachant, avait ouvert une fente verticale dans les décombres et, me soulevant avec précaution contre une poutre, je pouvais voir par cette brèche ce qu'était devenue la tranquille route suburbaine de la veille. Combien vaste était le changement que nous pouvions ainsi contempler! Le cinquième cylindre avait dû tomber au plein milieu de la maison que nous avions d'abord visitée. Le bâtiment avait disparu, complètement écrasé, pulvérisé et dispersé par le choc. Le cylindre s'était enfoncé plus profondément que les fondations dans un trou beaucoup plus grand que celui que j'avais vu à Woking. Le sol avait éclaboussé de tous les côtés sous cette terrible chute. Éclaboussé est le seul mot, des tas énormes de terre qui cachaient les maisons voisines. Il s'était comporté exactement comme de la boue sous un violent coup de marteau. Notre maison s'était écroulée en arrière. La façade, même celle du rez-de-chaussée, avait été complètement détruite. Par hasard, la cuisine et la laverie avaient échappé et étaient enterrées sous la terre et les décombres. Nous étions enfermés de toutes parts sous des tonnes de terre, sauf du côté du cylindre. Nous nous trouvions donc exactement sur le bord du grand trou circulaire que les Martiens étaient occupés à faire. Les sons sourds et réguliers que nous entendions venaient évidemment de derrière nous, et de temps en temps, une brillante vapeur grise montait comme un voile devant l'ouverture de notre cachette. Au centre du trou, le cylindre était déjà ouvert. Sur le bord opposé, parmi la terre, le gravier et les arbustes brisés, l'une des grandes machines des Martiens, abandonnée par son occupant, se tenait debout, raide et géante contre le ciel du soir. Bien que, pour plus de commodité, je les ai décrits en premier lieu, je n'aperçus d'abord presque rien du trou ni du cylindre. Mon attention fut absorbée par un extraordinaire et scintillant mécanisme que je voyais à l'œuvre au fond de l'excavation, et parmi les étranges créatures qui rampaient péniblement et lentement sur les tas de terre. Le mécanisme, certainement, frappa d'abord ma curiosité. C'était un de ces systèmes compliqués qu'on a appelés depuis « main-machine » et dont l'étude a donné déjà une si puissante impulsion au développement de la mécanique terrestre. Telle qu'elle m'apparut, elle présentait l'aspect d'une sorte d'araignée métallique avec cinq jambes articulées et agiles, ayant autour de son corps un nombre extraordinaire de barres, de leviers articulés et de tentacules qui touchaient et prenaient. La plupart de ses bras étaient repliés, mais avec trois longs tentacules, elle attrapait des tringles, des plaques, des barres qui garnissaient le couvercle et apparemment renforçaient les parois du cylindre. À mesure que les tentacules les prenaient, tous ces objets étaient déposés sur un tertre aplani. Le mouvement de la machine était si rapide, si complexe et si parfait que, malgré les reflets métalliques, je ne pus croire au premier abord que ce fût un mécanisme. Les engins de combat étaient coordonnés et animés à un degré extraordinaire, mais rien en comparaison de ceci. Ceux qui n'ont pas vu ces constructions et n'ont pour se renseigner que les imaginations des dessinateurs ou les descriptions forcément imparfaites de témoins oculaires peuvent difficilement se faire une idée de l'impression d'organisme vivant qu'elle donnait. Je me rappelle les illustrations de l'une des premières brochures qui prétendait donner un récit complet de la guerre. Évidemment, l'artiste n'avait fait qu'une étude hâtive des machines de combat et à cela se bornait sa connaissance de la mécanique martienne. Il avait représenté des tripodes raides, sans aucune flexibilité ni souplesse, avec une monotonie d'effets absolument trompeuse. La brochure qui contenait ces renseignements eut une vogue considérable, et je ne la mentionne ici que pour mettre le lecteur en garde contre l'impression qu'il en peut garder. Tout cela ne ressemblait pas plus aux martiens que je vis à l'œuvre qu'un poupard de carton ne ressemble à un être humain. À mon avis, la brochure eût été bien meilleure sans ces illustrations. D'abord, ai-je dit, la machine à main ne me donna pas l'impression d'un mécanisme, mais plutôt d'une créature assez semblable à un crabe, avec un tégument étincelant qui était le martien, actionnant et contrôlant les mouvements de ses membres multiples au moyen de ses délicats tentacules, et semblant être, simplement, l'équivalent de la partie cérébrale du crabe. Je perçus alors la ressemblance de son tégument gris-brun brillant ayant l'aspect du cuir avec celui des autres corps rampants environnants, et la véritable nature de cet adroit ouvrier m'apparut sous son vrai jour. Après cette découverte, mon intérêt se porta vers les autres créatures, les martiens réels. J'avais eu d'eux déjà une impression passagère, et la nausée que j'avais ressentie alors ne revint pas troubler mon observation. D'ailleurs, j'étais bien caché et immobile, sans aucune nécessité de bouger. Je voyais maintenant que c'étaient les créatures les moins terrestres qu'il soit possible de concevoir. Ils étaient formés d'un grand corps rond, ou plutôt d'une grande tête ronde, d'environ 4 pieds de diamètre et pourvue d'une figure. Cette face n'avait pas de narine. À vrai dire, les martiens ne semblent pas avoir été doués de l'odorat, mais possédaient 2 grands yeux sombres, immédiatement au-dessous desquels se trouvait une sorte de bec cartilagineux. Derrière cette tête ou ce corps, car je ne sais vraiment lequel de ces 2 termes employer, était une seule surface tympanique tendue qu'on a su depuis être anatomiquement une oreille, encore qu'elle dût leur être presque entièrement inutile dans notre atmosphère trop dense. En groupe autour de la bouche, 16 tentacules minces, presque des lanières, étaient disposées en 2 faisceaux de 8 chacun. Depuis lors, avec assez de justesse, le professeur Stowes, le distingué anatomiste, a nommé ces 2 faisceaux des mains. La première fois même que j'aperçus les martiens, ils paraissaient s'efforcer de se soulever sur ses mains, mais cela leur était naturellement impossible à cause de l'accroissement de poids dû aux conditions terrestres. On peut avec raison supposer que, dans la planète Mars, ils se meuvent sur ses mains avec facilité. Leur anatomie interne, comme la dissection l'a démontré depuis, était également simple. La partie la plus importante de leur structure était le cerveau, qui envoyait aux yeux, à l'oreille et aux tentacules tactiles des nerfs énormes. Ils avaient de plus des poumons complexes, dans lesquels la bouche s'ouvrait immédiatement, ainsi que le cœur et ses vaisseaux. La gêne pulmonaire que leur causait la pesanteur et la densité plus grande de l'atmosphère n'était que trop évidente aux mouvements convulsifs de leur enveloppe extérieure. À cela se bornait l'ensemble des organes d'un martien. Aussi étrange que cela puisse paraître à un être humain, tout le complexe appareil digestif qui constitue la plus grande partie de notre corps n'existait pas chez les Martiens. Ils étaient des têtes, rien que des têtes. Dépourvus d'entrailles, ils ne mangeaient pas et digéraient encore moins. Au lieu de cela, ils prenaient le sang frais d'autres créatures vivantes et se l'injectaient dans leurs propres veines. Je les ai vus moi-même se livrer à cette opération et je le mentionnerai quand le moment sera venu. Mais, si excessif que puisse paraître mon dégoût, je ne puis me résoudre à décrire une chose dont je ne puis endurer la vue jusqu'au bout. Qu'il suffise de savoir qu'ayant recueilli le sang d'un être encore vivant, dans la plupart des cas d'un être humain, ce sang était transvasé au moyen d'une sorte de minuscule pipette dans un canal récepteur. Sans aucun doute, nous éprouvons, à la simple idée de cette opération, une répulsion horrifiée. Mais, en même temps, réfléchissons combien nos habitudes carnivores sembleraient répugnantes à un lapin doué d'intelligence. Les avantages physiologiques de ce procédé d'injection sont indéniables si l'on pense à l'énorme perte de temps et d'énergie humaine qu'occasionne la nécessité de manger et de digérer. Nos corps sont en grande partie composés de glandes, de tubes et d'organes occupés sans cesse à convertir en sang une nourriture hétérogène. Les opérations digestives et leurs réactions sur le système nerveux sapent notre force et tourmentent notre esprit. Les hommes sont heureux ou misérables, selon qu'ils ont le foie plus ou moins bien portant ou des glandes gastriques plus ou moins saines. Mais les Martiens échappaient à ces fluctuations organiques des sentiments et des émotions. Leur indéniable préférence pour les hommes comme source de nourriture s'explique en partie par la nature des restes des victimes qu'ils avaient amenés avec eux comme provision de voyage. Ces êtres, en juger par les fragments ratatinés qui restèrent au pouvoir des humains, étaient bipèdes, pourvus d'un squelette siliceux sans consistance, presque semblable à celui des éponges siliceuses, et d'une faible musculature. Ils avaient une taille d'environ 6 pieds de haut, la tête ronde et droite, de larges yeux dans des orbites très dures. Les Martiens devaient en avoir apporté 2 ou 3 dans chacun de leurs cylindres, et tous avaient été tués avant d'atteindre la Terre. Cela valut aussi bien pour eux, car le simple effort de vouloir se mettre debout sur le sol de notre planète aurait sans doute brisé tous les os de leur corps. Puisque j'ai entamé cette description, je puis donner ici certains autres détails qui, encore que nous les ayons remarqués par la suite seulement, permettront au lecteur qui les connaîtrait mal de se faire une idée plus claire de ces désagréables envahisseurs. En 3 autres points, leur physiologie différait étrangement de la nôtre. Leurs organismes ne dormaient jamais, pas plus que ne dort le cœur de l'homme. puisqu'ils n'avaient aucun vaste mécanisme musculaire à récupérer. Ils ignoraient le périodique retour du sommeil. Ils ne devaient ressentir, semble-t-il, que peu ou pas de fatigue. Sur la terre, ils ne purent jamais se mouvoir sans de grands efforts, et cependant ils conservèrent jusqu'au bout leur activité. En 24 heures, ils fournissaient 24 heures de travail, comme c'est peut-être le cas ici-bas avec les fourmis. D'autre part, si étonnant que cela paraisse dans un monde sexué, les Martiens étaient absolument dénués de sexe et devaient ignorer par conséquent les émotions tumultueuses que fait naître cette différence entre les humains. Un jeune Martien, le fait est indiscutable, naquit réellement ici-bas pendant la durée de la guerre. On le trouva attaché à son parent, à son progéniteur, partiellement retenu à lui, à la façon dont poussent les bulbes de lys ou les jeunes animalcules des polypiers d'eau douce. Chez l'homme, chez tous les animaux d'un ordre élevé, une telle méthode de génération a disparu. Mais ce fut certainement, même ici-bas, la méthode primitive. Parmi les animaux d'ordre inférieur, à partir même des tuniciers, ses premiers cousins des vertébrés, les deux procédés coexistent, mais généralement la méthode sexuelle l'emporte sur l'autre. Pourtant, sur la planète Mars, le contraire apparemment se produit. Il est intéressant de faire remarquer qu'un certain auteur d'une réputation quasi scientifique, écrivant longtemps avant l'invasion martienne, prévit pour l'homme une structure finale qui ne différait pas grandement de la condition véritable des Martiens. Je me souviens que sa prophétie parut en novembre ou en décembre 1892 dans une publication depuis longtemps défunte, la Pall Mall Budget, et je me rappelle à ce propos une caricature publiée dans un périodique comique de l'époque anté-martienne, Punch. L'auteur expliquait, sur un ton presque facétieux, que le perfectionnement incessant des appareils mécaniques devait finalement amener la disparition des membres, comment la perfection des inventions chimiques devait supprimer la digestion, comment des organes tels que la chevelure, la partie externe du nez, les dents, les oreilles, le menton ne seraient bientôt plus des parties essentielles du corps humain, et comment la sélection naturelle amènerait leur diminution progressive dans les temps à venir. Le cerveau restait une nécessité cardinale. Une seule autre partie du corps avait des chances de survivre, et c'était la main, moyen d'information et d'action du cerveau. Beaucoup de vérités ont été dites en plaisantant, et nous possédons indiscutablement dans les Martiens l'accomplissement réel de cette suppression du côté animal de l'organisme par l'intelligence. Il est, à mon avis, absolument admissible que les Martiens peuvent descendre d'êtres assez semblables à nous par suite d'un développement graduel du cerveau et des mains, ces dernières se transformant en de faisceaux de tentacules, aux dépens du reste du corps. Sans le corps, le cerveau deviendrait naturellement une intelligence plus égoïste, ne possédant plus rien du substratum émotionnel de l'être humain. Le dernier point saillant par lequel le système vital de ces créatures différait d'une autre pouvait être regardé comme un détail trivial et sans importance. Les micro-organismes qui causent sur Terre tant de maladies et de souffrances étaient inconnus sur la planète Mars, soit qu'ils n'y aient jamais paru, soit que la science et l'hygiène martienne les aient éliminés depuis des âges. Des centaines de maladies, toutes les fièvres et toutes les contagions de la vie humaine, la tuberculose, les cancers, les tumeurs et autres états morbides, n'intervinrent jamais dans leur existence et, puisqu'il s'agit ici des différences entre la vie à la surface de la planète Mars et la vie terrestre, Je puis dire un mot des curieuses conjectures faites au sujet de l'herbe rouge. Apparemment, le règne végétal dans Mars, au lieu d'avoir le vert pour couleur dominante, est d'une vive teinte rouge sang. En tous les cas, les semences que les Martiens, intentionnellement ou accidentellement, apportèrent avec eux, donnèrent toujours naissance à des pousses rougeâtres. Seule, pourtant, la plante connue sous le nom populaire d'herbe rouge réussit à entrer en compétition avec les végétations terrestres. La variété rampante n'eut qu'une existence transitoire et peu de gens l'ont vue croître. Néanmoins, pendant un certain temps, l'herbe rouge crut avec une vigueur et une luxuriance surprenantes. Le troisième ou le quatrième jour de notre emprisonnement, elle avait envahi tout le talus du trou et ses tiges, qui ressemblaient à celles du cactus, formaient une frange carminée autour de notre lucarne triangulaire. Plus tard, je la trouvais dans toute la contrée et particulièrement aux endroits où coulaient quelques cours d'eau. Les Martiens étaient pourvus, selon toute apparence, d'une sorte d'organe de l'ouïe, un unique tympan rond placé derrière leur tête, et Dieu ayant une portée visuelle peu sensiblement différente de la nôtre, excepté que, selon Philips, le bleu et le violet devaient leur paraître noirs. On suppose généralement qu'ils communiquaient entre eux par des sons et des gesticulations tentaculaires. C'est ce qui est affirmé, du moins, dans la brochure remarquable, mais hâtivement rédigée, écrite évidemment par quelqu'un qui ne fut pas témoin oculaire des mouvements des Martiens, à laquelle j'ai déjà fait allusion et qui a été, jusqu'ici, la principale source d'informations concernant ces êtres. Or, aucun de ceux qui survécurent ne vit mieux que moi les Martiens à l'œuvre, sans que je veuille pour cela me glorifier d'une circonstance purement accidentelle, mais le fait est exact. Aussi, je puis affirmer que je les ai maintes fois observés de très près, que j'ai vu 4, 5 et une fois 6 d'entre eux exécutant indolemment ensemble les opérations les plus compliquées et les plus élaborées, sans le moindre son ni le moindre geste. Leurs cris particuliers précédaient invariablement leur espèce de repas. Ils n'avaient aucune modulation et n'étaient, je crois, en aucun sens un signal, mais simplement une expiration d'air nécessaire avant la succion. Je peux prétendre à une connaissance au moins élémentaire de la psychologie, et à ce sujet, je suis convaincu, aussi fermement qu'il est possible de l'être, que les Martiens échangeaient leurs pensées sans aucun intermédiaire physique, et j'ai acquis cette conviction malgré mes doutes antérieurs et de fortes préventions. Avant l'invasion martienne, comme quelques lecteurs se le rappellera peut-être, j'avais, avec quelque véhémence, essayé de réfuter la transmission de la pensée et les théories télépathiques. Les Martiens ne portaient aucun vêtement. Leurs idées sur le décorum et les ornements extérieurs étaient nécessairement différentes des nôtres, et ils n'étaient nécessairement pas seulement beaucoup moins sensibles aux changements de température que nous ne le sommes, mais les changements de pression atmosphérique ne semblent pas avoir sérieusement affecté leur santé. Pourtant, s'ils ne portaient aucun vêtement, d'autres additions artificielles à leurs ressources leur donnaient une grande supériorité sur l'homme. Nous autres humains, avec nos cycles et nos patins de route, avec les machines volantes Lilienthal, avec nos bâtons et nos canons, ne sommes encore qu'au début de l'évolution au terme de laquelle les Martiens sont parvenus. En réalité, ils se sont transformés en simples cerveaux, revêtant des corps divers suivant leurs besoins différents, de la même façon que nous revêtons nos divers costumes et prenons une bicyclette pour une course pressée ou un parapluie s'il pleut. Rien peut-être dans tous leurs appareils n'est plus surprenant pour l'homme que l'absence de la roue, ce trait dominant de presque tous les mécanismes humains. Parmi toutes ces choses qu'ils apportèrent sur la terre, rien n'indique qu'ils emploient le cercle. On se serait attendu du moins à le trouver dans leurs appareils de locomotion. À ce propos, il est curieux de remarquer que, même ici-bas, la nature paraît avoir dédaigné la roue ou qu'elle lui ait préféré d'autres moyens. Non seulement les Martiens ne connaissent pas la roue, ce qui est incroyable, ou s'abstenaient de l'employer, mais même ils se servaient singulièrement peu dans leurs appareils du pivot mobile avec des mouvements circulaires dans un seul plan. Presque tous les joints de leur mécanisme présentent un système compliqué de coulisses se mouvant sur de petits appuis et des coussinets de friction superbement courbés. Pendant que nous en sommes à ces détails, remarquons que leur levier très long était, dans la plupart des cas, actionné par une sorte de musculature composée de disques enfermés dans une gaine élastique. Si l'on faisait passer à travers ces disques un courant électrique, ils étaient polarisés étroitement et puissamment. De cette façon était atteint ce curieux parallélisme avec les mouvements animaux qui était chez eux si surprenant et si troublant pour l'observateur humain. Des muscles du même genre abondaient dans les membres de la machine que je vis en train de décharger le cylindre lorsque je regardais la première fois par la fente. Elle semblait infiniment plus animée que les réels martiens, gisant plus loin en plein soleil, haletant, agitant vainement leurs tentacules et se remuant avec de pénibles efforts après leur immense voyage à travers l'espace. Tandis que j'observais encore leurs mouvements affaiblis et que je notais chaque étrange détail de leur forme, le vicaire me rappela soudain sa présence en me tirant violemment par le bras. Je tournai la tête pour voir une figure renfrognée et des lèvres silencieuses mais éloquentes. Il voulait aussi regarder par la fente devant laquelle on ne pouvait se mettre qu'un à la fois, et je dus, tandis que le vicaire jouissait de ce privilège, interrompre pendant un moment mes observations. Quand je revins à mon poste, l'active machine avait déjà assemblé plusieurs des pièces qu'elle avait retirées du cylindre et le nouvel appareil qu'elle construisait prenait une forme d'une ressemblance évidente avec la sienne. Vers le bas, à gauche, se voyait maintenant un petit mécanisme qui lançait des jets de vapeur verte en tournant autour du trou, fort occupé à régulariser l'ouverture, creusant, extrayant et entassant la terre avec méthode et discernement. C'était là la cause des battements réguliers et des chocs rythmiques qui avaient fait pendant longtemps trembler notre refuge. Tout en travaillant, il faisait entendre une sorte de sifflement incessant. Autant que je pus m'en rendre compte, la machine allait seule, sans être nullement dirigée par un martien.